Le premier débat va porter sur les paris et pour ça on va accueillir Grossi Cigarillo, 25 ans de Laval, on peut écouter Fun Radio sur 102.3. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir Gérard. Dégage petit, 22 ans de Verdun, 93.9. C'est exact, bonsoir GG. Bonsoir. Sandard, 23 ans de Rennes, 94.5. Bonsoir GG. Et Super Jockey, 26 ans, Paris, 101.9. Salut GG. Bonsoir. Donc alors, première question. Auriez-vous déjà effectué plusieurs paris depuis un an? Alors, on va demander un Super Jockey. Oui. Alors moi, je suis très joueur. Il m'arrive souvent d'aller aux courses. Mm-hmm. Et donc, je parie très souvent. La plupart du temps, je perds mon argent, bien sûr, mais c'est un passe-temps très sympathique. Ouais, mais ça, de toute manière, quand tu vas sur des champs de course, de toute manière, t'en gagnes et t'en perds plus que t'en gagnes. Hein. C'est clair, ça c'est sûr. Sandard. Ouais, moi aussi, ça m'arrive souvent de parier. Surtout, je regarde une émission de télé, je devine toujours, je parie sur la fin, sur qui va gagner, je regarde un film, je parie sur la fin, je connais tout, tu vois, quoi. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Non, mais attends. Ça sera après, je te dirai. Non, mais attends, là, tu vas parier sur un film alors qu'il n'y a rien à gagner dans un film. Ouais, donc, déjà, ta deuxième réponse, elle est naze. Que tu paries sur un jeu, je veux bien, mais que tu paries sur un film, non, je pense pas. On n'a pas le droit de parier entre amis. Non, mais ça, moi c'est pas mon problème. De toute manière, c'est une question qu'on posera. Donc, dégage, petit. Ouais, bah écoute, ta question c'est depuis un an, c'est ça en fait. Voilà. Ouais, bah moi depuis un an, non, parce que je suis en cure, j'essaye d'arrêter de jouer, parce que c'est un peu comme une maladie, hein. Tu sais comment ça se passe, hein. C'est un peu comme d'autres trucs, quoi. Donc on peut pas s'arrêter, donc ouais, depuis un an moi je suis en cure, j'essaye d'arrêter, mais sinon avant, il y a plus d'un an, ouais, j'arrêtais pas de parier, mais maintenant non, quoi. J'essaye d'éviter, quoi, mon médecin m'a recommandé de... Enfin bon, on va pas rentrer dans les problèmes de désintox et tout ça, quoi, mais voilà. Non mais attends, je vois pas le rapport avec... c'est pareil. C'est avec le débat sur les paris. Ah bah si, c'est un sevrage, c'est un peu le même principe, faut te sevrer, et c'est dur, quoi, c'est pas évident. Moi en fait depuis un an je me suis mise de plus en plus à parier sur les choses parce que depuis un an je gagne. Alors précise. Je gagne au tiercé, quand je fais des paris avec des copains je gagne, enfin je gagne tout le temps en ce moment. T'as de la chatte, quoi. Ouais, j'ai de la chatte. Comme on dit. Donc moi je peux vous dire une chose, que jusqu'à maintenant j'ai jamais fait de paris, puis de toute manière j'en ferai. Ah, si j'en ai fait un une fois, mais. Ouais. Mais Gérard, t'as pas gagné déjà en pariant? C'est Lambert qui parle. Mais t'as pas gagné d'argent, en fait, vous avez dit qu'en pariant, t'avais gagné. Non, mais c'est vieux, ça, c'est bien avant c'est bien avant qu'existent les paris. Et tu devais chercher sur Dico, Paris, ce que ça voulait dire. Non, mais ça. Ça veut dire quoi, Paris, Gérard? Son pari, ça veut dire que tu mises de l'argent sur quelque chose et t'es pas sûr de gagner. Obligatoirement de l'argent. Tu peux pas parier autre chose que de l'argent. Non, mais ça, de manière. Tu peux pas parier un repas, tu peux pas. Non, mais ça, de toute manière, ça va être petit à petit, on va rentrer dans le vide du sujet. Ah, dans le vide. On va rentrer là-dedans, mais par contre, faudrait que tu m'expliques ce que tu m'as dit tout à l'heure, toi, parce que je comprends pas ce que tu m'as dit. Bah, Gérard, je vais t'expliquer. Non, mais c'est très simple, regarde. Là, vous avez en fait les sondages. Ouais. Gérard a des sondages, donc sur les paris. Je vois pas sur la première question. Oui, non, mais peut-être pas sur la première question, mais je lui ai dit, tout à l'heure, je lui ai expliqué que par rapport aux sondages que l'on avait pour les paris, ouais, il pouvait en fait se servir des sondages par rapport à ses questions propres à lui-même. Ah, bien vu. Donc, par exemple, le premier sondage, c'est aimez-vous parier? Le deuxième, c'est avez-vous envie de parier? Tu vois, donc par rapport à ça, t'es pas obligé de, par exemple, attendez, on va l'aider un peu. Donne-lui des techniques de débat. À quel âge fait ton départ? Ouais, on peut peut-être le mettre avec, aimez-vous parier, tu vois? Ouais, mais ça, je vais voir. Là, tout à l'heure, tu parlais, ouais, de toute façon, on peut pas parier que de l'argent. Et là, qu'aimeriez-vous parier pour gagner et être le meilleur? Tu vois, c'est en rapport. Bon, il y en a qui répondent des œufs comme les poules. Je vois pas. Depuis un an, c'est bête parce que On n'a rien comme, comme truc. Ah, si, se demander si. Non, pas... mais bah, pose la question avant, la question du sondage. Oui. Non, du sondage pour les réponses, pour qu'ils comprennent les gens. Ouais, quand même, ouais. Bon, alors donc, sur. Auriez-vous déjà effectué plusieurs paris depuis un an? Donc, il y en a qui préfèrent. À laquelle question? Qu'aimeriez-vous parier, non? À la première. Oui, mais sur la sondage. Ouais, ouais, sur le sondage, ah, bah, donc c'est la 2, c'est 21%. Les gens préfèrent faire. Préfèrent. Le faire par pour la prime, ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à ça dans les champs de course. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça pour les voir comment qu'ils s'habillent. Et il y a 18% toujours sur le même sondage. Oui. Qui demande l'heure. Demande combien tu perds. Ouais, mais ça c'est une question que justement. Non, combien tu prends non. Donc combien tu perds. Nuance. Ah, pardon. Donc alors, moi j'ai répondu à cette question, donc je pense que il y en a une là tout à l'heure qui voulait rajouter quelque chose sur la sur sa réponse là. Tu peux c'est standard je crois. Par rapport à quoi? Ben auriez-vous déjà effectué plusieurs paris? T'as dit depuis un an, t'as dit à un mec, je crois que c'est je sais plus si c'est super jockey ou dégage petit. Ouais non, elle disait qu'elle pariait avec ses copains et tu trouvais ça bizarre quoi. Ouais, c'est ça, mais oui, donc, j'aurais bien voulu qu'elle aille plus profond de sa réponse. Alors, j'allais beaucoup plus profondément. Vas-y. Quand je regarde des films, aïe. Par exemple, Paris, hein, on va donner un exemple. Ouais. Eh ben, vers le milieu, je coupe, j'arrête tout. T'as raison. J'arrête tout. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, maintenant, on est entre bande de copains, tous sur le canapé et tout ça. Eh ben, on lance les paris et on jette l'argent et tout ça. Et après, je remets play, je remets lecture, et puis on voit la fin. Ouais, il y a beaucoup de gens qui devinent les fins de films comme ça. Ouais, mais non, mais tous les samedis soirs. Ouais, mais ça c'est quand même un peu gros, parce que c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est vrai, il y en a qui arrivent. Toi, tu regardes le foot avec tes copains, des fois ils t'ont jamais parié sur le foot. Ah non, voilà, je veux dire une chose que jamais j'irai parier sur un match de foot. Hein. Avec ta copine, quand vous regardez le Big Bill, tu paries pas. Des fois, tu dis lui il va perdre, lui il va gagner, tout ça. Je suis sûr que si. Ou le frère ou la sœur. Attends, c'est qui là? C'est qui me parie? Gros cigario. Non. Qui? Dégage petit aussi. Ouais. Donc je vais répondre à ta question. Donc c'est vrai que quand je regarde le Big Bill, c'est vrai que je suis un peu chauvin. Ouais. Parce que je suis sûr que le mec, il va, quand on lui dit de prendre le rideau, à tous les coups, le mec ou la nana prend le garde ce qu'elle gagne. Je ne l'enregistre pas, je le regarde en direct. Et donc, je me doute à peu près de ce qu'il lui met derrière. Parce que là, ce soir, la nana sur le top 3 avec Absé. Le DJ, là, faites-moi confiance que la nana, elle a trouvé deux trucs sur trois et au lieu de rejouer, elle a voulu garder, elle a perdu une bagnole de 61 400 francs. Toi, Gégé, tu choisis plutôt la mère, le père, la sœur ou... ce soir, j'aurais pris la mère parce qu'elle était dans la mer, la voiture. Et le cousin, non? Non, c'est le père ou la sœur. La mère était dans la voiture. Rigaud, ouais. Oui, il y a énormément de monde sur l'IRC, c'est bizarre, apparemment il y a la famille de Babouin qui est là réunie et donc il y a Dan de Babouin, il aimerait savoir si on peut faire des paris sur des combats de Babouin dans les caves du 9-4. Non. Bien sûr. Ah, si. Non. Il y en a très souvent. Je viens de dire non, d'accord. T'es pas du 9-4, tu peux pas savoir. Je vous dis que non, c'est tout. J'en connais deux tout à l'heure, ils vont se calmer parce que sinon ils vont retourner au standard. Gérard, il y a une question Minitel qui dit, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation de Fibol, qui dit Gégé il parie au relais Carnot, il joue au PMU pendant que Sandy essaye les jockeys. Bon alors ça je veux dire une chose, qu'un truc comme ça, c'est grâce à Fildar, si maintenant, si j'entends encore parler de ça, ça sera plus la peine parce que le Minitel tu vas me le couper. Bah s'il va, ça on le sait, donc c'est pas grave. Donc toi tes conneries, prochain coup tu fermeras ta grande gueule au lieu d'annoncer à l'antenne devant des millions d'auditeurs, d'accord? En de bon entendeur, salut, maintenant t'es à ton micro. Bon. Ce que je voulais dire, pour calmer ton micro. C'est que c'est un café où tout le monde a le droit d'aller, c'est pas ton café. Tu éteins ton micro et donc, je peux faire de la pub parce que moi je suis déjà allé au relais Carnot et c'est sympa. Ça, tu connais même pas. Mais si, passe à côté de chez toi. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. Sinon, il y a Max le Belge pour calmer les esprits qui dit que tes débats commencent bien et ont l'air mortels. Max le Belge, il dit aussi qu'il t'aime Et voilà, c'était Max le Belge. Quoi. D'accord. J'attends un message de ma cousine aussi sur Minitel. Non, non, mais ça, okay. Tu le passeras pas, Manu, s'il te plaît, parce que si j'entends ça, moi, j'arrête. D'accord. Et, non, juste, il y a Judge de Babouin, il te rappelle quand même que t'as parié, que tu paries un peu trop et qu'une fois, t'as même gagné le gros lot. Mais vraiment le gros lot. Le big one. Ouais, il peut préciser quoi? Non. Ça commence par un S. Que perdez-vous le plus souvent lors d'un pari? On va demander, super jockey. Ouais, bah alors généralement de l'argent, mais dernièrement j'ai perdu ma femme parce que je l'ai parié. Mais tu me diras, je m'en contente très bien. Enfin, je suis bien content de plus l'avoir avec moi, quoi. Ah, Gérard, excuse-moi, il y a Max le Belge qui dit que toi t'as perdu des dents. Mais ça, j'en ai rien à faire. Gagné un kiff. Sandar. Ouais, mais alors moi, quand je parie, c'est pas beaucoup. Hein. Je prends des grains de riz ou des trucs comme ça parce qu'en fait, tout est faux. Et ouais, donc je perds des grains de riz aussi. Mais ça sert à quoi de parier des grains de riz? Eh ben, plus t'en as, plus t'as un grand plat en fait le soir. Ah. Et comme ça, tu peux mieux manger, quoi. Ça m'étonnerait de ce que t'es en train de me raconter, hein. Ouais. Moi. Je pense que je crois que pour l'instant t'es en train de nous raconter du baratin pas possible. Ouais. Non, dégage petit. Ouais, bah écoute, moi je sais que j'ai déjà tout perdu hein, à cause du jeu. J'étais obligé de vendre ma voiture, ma garde-robe, tout ça, hein, ma télé, tout ça. Ta garde-robe et ta télé, ça m'étonnerait. Ah, bah, à l'arrière, ta bagnole, je veux bien. Ah, mais je me suis refait depuis, hein, c'est bon, maintenant ça va mieux. Hein. Gros cario. Gros cigario. Cigario. Bah moi, j'ai fait une grosse connerie un jour, c'est que j'ai fait un très gros pari et je l'ai perdu et j'avais parié ma virginité. Mmh. J'ai perdu ma virginité, quoi. Ah, bah, de manière, pour se dire une chose sur cette question-là, parce que j'ai pas eu l'occasion, moi, de perdre grand-chose, mais c'est vrai que les trois quarts du temps, et ça se voit dans des films d'action, et c'est vrai que là-dedans, t'es mordu si t'es mordu dans les jeux, ouais. De manière, tu vas jouer de l'argent. Après, selon ce que t'as sur toi, c'est-à-dire bagues, colliers, montres, ou bagnoles, ça tu peux être sûr. Tu peux être sûr que si t'as plus de fric, de toute manière tu perds là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça c'est malheureux à dire, mais évitez de jouer évitez de trop vouloir jouer et qu'à un moment donné vous aviez plus d'argent pour continuer parce que là. Vous perdez gros ce que vous avez gagné en espace de 5-6 ans. Hein. Ouais, t'as perdu en espace? En espace de 5-6 ans. Mmh. D'accord. Ah, t'essayes toujours de te refaire, c'est ça le principe du jeu. Ouais, mais c'est pas évident parce qu'en 5-6 ans, tu t'essayes d'avoir des trucs que tu fais par la sueur. Bah ouais. Hein. Bah, mais bah, tu vas le reperdre. Tu vas le reperdre toi derrière. Et donc, ce que t'as gagné en 5-6 ans, tu le repères aussi derrière. Et en plus, toi, t'as du boulot pour te refaire, quoi. Ah, tu m'étonnes. Gérard, c'est comme quand tu vas au casino, en fait. Ben, justement, oui. De toute manière, dans les casinos, maintenant, je sais pas, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore. Mm-hmm. Donc, je peux vous dire une chose, que là-bas, c'est vrai que les gens parient n'importe quoi, jusqu'à des bagnoles. Hein. Ah, mm-hmm. Mais quand tu vois les coupés bagnoles qu'ils ont, les gens, quand ils vont au casino, fais ma confiance que c'est pas de la merde comme bagnole. Ah, ouais, quand ils vont au casino, aussi. Gérard, ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent aller au casino parier? Si, c'est possible. Non. Ils font des crédits au casino. Non, ils n'ont pas le droit. C'est les casinos du cœur. Non, faut avoir la carte conscient, là, non? Non. Non, la carte. Alors, pouvez-vous tricher lors d'un pari pour gagner dans un jeu de boules? Bien sûr, dans un jeu de boules. Dans un jeu de boule, tout est permis. Hein, non, un jeu de boule, c'est un exemple. Ouais. Il peut parier n'importe quoi. N'importe où. Donc, alors, gros cigario. Ouais, la question est mal formulée. J'ai pas compris ta question, Gérard. Alors, pouvez-vous tricher lors d'un pari pour gagner dans un jeu de boule? Ah, d'accord. C'est-à-dire, tu perds, par exemple, dans un casino, uh-huh. Est-ce que tu vas aller tricher lors d'un concours de pétanque? Voilà. Ouais, bah, moi, je joue pas à la pétanque, moi, je joue plus aux cartes, belote, tu vois, tarot, et je suis une grosse tricheuse, ouais, je l'avoue. Mm-hmm. En fait, ça compense, en fait, les pertes que j'ai au tiercé, et quand je vais au cynodrome, faire courir les chiens. Ouais, d'accord. Je vois, ça me dit pas la tricherie, ouais. La tricherie sur la question. Sur la pétanque. Mmh. Ça m'arrive de tricher à la pétanque aussi. Mais est-ce ça, c'est vachement plus compliqué quand même. Est-ce que tu touches le cochonnet, c'est ça je me touche savoir. Gravement le cochonnet, ouais. Non, non, mais attends, oh, qui c'est qui dit ça, là? J'adore traiter les boules aussi, hein. Ouais, c'est des gages petits. Et attends, quand on triche aux boules, il y a toujours un mec pour toucher le cochonnet, le déplacer et dire c'est ma boule la plus près. Non, non, non, non, non, parce que ça, moi, je vais te dire une chose. Non, non, oh, attends, oh, des gages petits, pour l'instant, tu vas me laisser parler parce que j'aime bien jouer aux boules aussi. Fais-moi confiance que... déjà, tu peux pas bouger le cochonnet. Ah bah sinon, c'est de la tricherie. C'est ouais, non mais attends, t'arrives à bouger le cochonnet ouais. Avec soit ton maître ou un chiffon. Mais tu peux pas le bouger corps, autrement. Au pied. Non, non, non, il arrive vers le cochonnet, il shoot dans le cul. Non, non, attends, arrête de dire des conneries, toi. Arrête de dire des conneries, ça vaudra mieux. Cochonnet, t'as jamais shooté standard. Standard. Ouais, moi, alors, moi, tout le temps, ce que j'ai fait, c'est d'acheter une boule supersonique avec caméra incorporée, vibrant. Excellent. Il y a chargeur, batterie, pile, il y a tout dans cette boule. Mmh. Et en fait, j'ai juste à placer avec la petite télécommande et j'arrive à tricher facilement. Et je gagne toujours. Mmh. Voilà. D'accord. Super jockey. Bah, moi, donc, avant, j'étais un grand magicien. Ce qui m'a permis pour les jeux de cartes de tricher très facilement. Donc je gagne à tous les coups à chaque fois que je joue aux cartes. Okay, ouais, mais ça je veux dire... Attends, super jockey. Oui. Ça, pour un son, on parle... tu me reparles encore des jeux de casino. Ouais, non, pas forcément. Ah bah si. Parce que de toute manière, il y a quoi dans des jeux de casino que tu peux tricher aux cartes ou entre amis. Voilà. Ouais, soit à la belote, soit au rami, soit au tarot. La bataille. Non. Non, attends, ça, la bataille, c'est pour les gamins. Ah non, pas forcément, Gérard. Si. Moi, je peux vous dire une chose, que tricher sur des jeux de boules... Ça se fait pas. Non, parce que en fin de compte, c'est des parties qui se font en 13. Ouais. Bon, c'est sûr que... Gérard, il y a des juges ou pas? Il y a des juges quand tu joues aux boules? Lors des compétitions, oui. Bah ouais, il y a le gars pour le filet, tu sais, quand ça touche. Non, non, mais ça c'est pareil, même au tennis, je pense que tu verras peut-être la preuve cette semaine parce qu'il y a le tournoi de Roland-Garros qui débute dès lundi. Et il joue aux boules aussi en Roland-Garros? Non, avec des raquettes de tennis. Il y a un mec qui court au bout de la ligne avec un drapeau rouge. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des juges de touche. Et ça, on va pas rentrer dans l'histoire du football, parce que même dans le football, il y a de la triche. Ouais, c'est vrai. Et ça, il y a certaines équipes qui payent les arbitres pour gagner. C'est donc ça. Et ça, c'est mal. Ouais, ça, c'est un truc qui est dégueulasse. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, standard, au revoir, comme ça je fermais ma gueule, ce que tu viens de le dire, au revoir pour elle. Allez, Gérard. Sur IRC, il y a Snooze de Babouin, il aimerait, il voulait savoir si on peut parier dans des jeux où il n'y a pas de pari. Alors, comment ça? Parce qu'on a peut-être qu'il précise le contraire. Est-ce que tu peux parier dans des jeux où il n'y a pas de pari? Ben non. Ben non, parce que s'il n'y a pas de jeu, tu peux pas parier. Tu as parié avec qui? Tu as parié avec qui s'il n'y a rien pour jouer? Tu as parié avec qui? Tu paries pas forcément quand tu joues. C'est ça qu'il veut dire. Ben si, en principe, si. Si tu vas dans un truc pour jouer, t'es obligé de parier. Ça, c'est automatique. Hein. Donc, je vois pas le fond de sa question. Hein. Ouais. Ouais, je vois pas le fond. Hein. Alors, c'est trop tentant, tu touches le fond, mais tu le vois pas. Peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Et on va demander. On avait pas dit qu'on la posait pas celle-là? Non, c'est sûr. Non. On va demander. Petit jockey. Super jockey. Ouais, super. La réponse est simple, je ne fume pas, donc. Ouais. Je peux pas te répondre à cette question en fait. Puisque je fume pas, j'ai pas besoin de m'arrêter. Tu bois pas, tu baisses pas non plus, c'est ça? Mais il suce. Ouais, attends. Manu, Ouais. Ça sent que c'est un PD, lui. Ouais, c'est clair. À la voix, on le sent la voix qui touche. À l'odeur. Attention, les gars. Il touche des gueules. Super jockey. Ma copine. Super jockey. Oui, j'écoute. Tu te calmes parce que sinon tu as gerbé. Attends, je me fais traiter de PD, donc. Ouais, moi je te dis, tu vas te calmer. Tu te calmes ou Gérard s'occupe de tes fesses? À la place de l'autre, là, qu'on a viré, on accueille J'ai pas de couilles, 30 ans de Cherbourg. L'autre, elle s'appelait Standard, d'accord? Standard, ouais. Salut. J'ai vraiment pas de couilles, donc j'ai pas de couilles. Ta fréquence? 102.4. D'accord. Donc, t'as entendu la question? Ah non, désolé. Non, ben, alors je répète, alors peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Non, de longue durée, je pense. Non, de courte durée. Ouais, mais moi, je pense que c'est de longue durée. Alors, tu peux préciser? Parce qu'on peut arrêter de fumer une seule journée, mais si le lendemain on reprend, eh ben, c'est pas bien. Non, mais déjà. Par contre, si on arrête de fumer pendant une longue durée, c'est bien. Mais ça, déjà, parce qu'il faut se dire une chose, déjà, si tu paries avec quelqu'un pour arrêter de fumer et que tu reprends derrière, donc ton pari n'a rien à voir. Bah ouais, mais c'est donc ça. Donc tu perds ton pari. Ça dépend pendant combien de temps t'arrêtes. Voilà, c'est ça. Ouais, mais déjà, faut déjà avoir la volonté de vouloir arrêter de fumer. Et Gérard, il y a un peu l'histoire du film là, que t'as vu, non? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que... Explique un peu le film, si, alors. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est deux mecs qui ont parié avec des copains pour pouvoir arrêter de fumer. Mmh. Et maintenant, ils essayent d'arrêter de fumer, mais eux... ils s'en prennent sur la sucrerie, donc ils grossissent maintenant. Ouais. GG. Oui. D'ailleurs, je voulais savoir. Ben, justement, ben, c'est à toi de parler, dégage petit. Ouais, ben, justement. Elle a arrêté de fumer, Didi? Elle n'a jamais fumé. Hein. Ah, justement, je voudrais te demander quand est-ce qu'elle recommençait à Péclo, parce que voilà. Quoi. Ouais, c'est clair. Qui? Ben, je sais pas, les gens qui, par exemple, sont gros. Alors, super jockey, dégage petit, au revoir pour vous deux. Non, mais attends. Au revoir à ces deux-là. Comme sinon, ça leur apprendra de parler de Sandy comme ça. Non, ils ont parlé de Didi, ils ont parlé de Sandy. Attention. C'est pas la peine de les reprendre d'essayer de les reprendre. Gérard, d'autres noms. Special, Max Lebel. Gérard, j'ai une question Minitel de Max Lebel. Qui demande en fait, toi, dans ces cas-là, qu'est-ce que t'aurais fait? Est-ce que t'aurais eu le courage? Est-ce que tu pourrais t'arrêter de fumer? C'est Max Lebel qui demande ça. C'est Max Lebel. Qui veut savoir si tu peux arrêter de fumer? C'est Max Lebel. Max Lebel. Qui veut savoir? Sur Minitel, c'est Max Lebel. Ouais, mais c'est un truc que tu veux dire, comme j'ai dit, pour avoir la volonté de vouloir arrêter de fumer. Parce que tu peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. C'est pas. Oui, mais justement, il te posait la question. Ouais, mais est-ce que toi, tu aurais la volonté, Max Lebel? Il veut savoir. J'aurais la volonté à une condition que je trouve autre chose à mâcher. Si c'est pour mâcher toute une journée, ça sert à rien. Oui. Pour mâcher quoi? Il y a la des chewing gum ou autre. Bah ouais. C'est pour s'arrêter de fumer. Voilà. Parce que t'as des trucs pour ça. Oui. Bah sur IRC, il y a encore plus de babouins, je comprends pas. Et sinon, il y en a un, bah apparemment, c'est Fesse de Babouin. Il parie avec toi 500 balles que la prochaine question sera une question de merde. Ouais, bah il va se faire foutre. Gérard, à la place de Super Jockey, on accueille Casimino, 24 ans de Brest. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Salut Casimino. Bonsoir. Salut. Ta fréquence 104.2. D'accord. Donc, qui c'est capable? Super cigario. Gros cigario. Ouais, gros cigario, parions. Bah moi, en fait, je fume depuis que j'ai 12 ans. Mm-hmm. Et je suis incapable de m'arrêter de fumer. J'ai essayé, mais j'ai besoin du contact, tu vois, sur les lèvres. Et j'ai besoin de fumer, quoi. Ouais, mais tu peux trouver très bien soit des chewing-gums à mâcher ou des cigares en forme de chocolat, des cigarettes en forme de chocolat. Ouais, mais j'aime pas les sucreries, j'aime pas le sucre et non, mais attends, les chewing-gums, t'as des chewing-gums qui sont sans sucre. Hein. Ouais, mais j'aime pas ça, mâcher, tout ça, après ça te donne soif. Ah ouais, mais ça, de toute manière, si tu veux avoir la volonté d'arrêter de fumer, de toute manière, c'est ça qu'il faut te dire, c'est avoir la volonté déjà pour commencer. C'est de vouloir mâcher des chewing-gums, parce que qu'est-ce que tu vas faire d'autre constamment après? Bah justement, je sais pas, je me pose la question, donc je préfère ne pas arrêter de fumer, quoi. Mm-hmm. Et Quasimono? Oui, alors, moi, pareil, je fume depuis très très longtemps. J'ai fait de nombreux paris pour essayer de m'arrêter de fumer, et j'ai jamais réussi, à chaque fois je perds mon argent, quoi. Non, mais attends, de toute manière, on n'a pas... je te demande, peut-on considérer que que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée, c'est-à-dire si aujourd'hui pour demain tu te dis bon bah je vais arrêter de fumer et que tu reprends par exemple une semaine après, donc tu vas perdre ton pari avec la personne avec qui tu auras parié, t'es d'accord avec moi? Ouais. C'est bien ce que je te dis, donc à chaque fois je parie avec une personne et finalement je reprends à fumer le lendemain, quoi. Gérard, moi je viens de repenser à un truc, t'avais pas dit une fois, t'étais venu à la radio un soir très tard, t'étais pas très très net et t'avais juré sur la tête de Max que si Sandy attendait un mioche, t'arrêterais de fumer, tu l'as juré, ça, c'était un pari un peu. Ouais, mais ça, pour l'instant, elle est pas enceinte, donc... Ouais, parce qu'elle est stérile, donc bon, voilà quoi. Toi, tu as commencé... Oh là là. Vous me direz ça au standard, là, tout de suite. Comment t'as arrêté de picoler? Ouais, d'ailleurs, Gérard, à la place... La gourde en fou. J'en connais tout à l'heure qui vont pas rester longtemps sur les débats. Ouais, à la place de Dégage Petit, qu'on a dégagé, on accueille Roulette Turque, 28 ans de Laval. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Roulette Turque, Laval, 103.3 FM. Salut. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut. Salut Roulette Turque. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai pas de couilles. Attends, je répète la question pour Roulette, là. Ouais. Alors, peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Donc, maintenant, je vais m'adresser à... J'ai pas de couilles pour... J'ai déjà répondu, Gérard. T'as déjà répondu? Bah alors, à toi, Roulette. Bah, écoute, moi, entre chaque club, c'est vrai que j'essaye de respirer 2-3 minutes avant d'en rallumer une autre. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on peut appeler ça une courte durée. Non, mais est-ce que tu paries avec quelqu'un pour arrêter, justement, le tabac? Non, franchement, honnêtement, je crois que je parierais pas parce que je suis pas capable. Voilà, ça serait du fric jeté par les fenêtres, quoi. Bah, de toute manière, que tu paries avec quelqu'un pour arrêter de fumer ou que tu achètes des clopes, de toute manière, ton fric, c'est de l'argent que tu as acheté par les fenêtres pour acheter des clopes, clopes aussi. Ouais, c'est clair. Donc, en fin de compte, ça revient au même, hein. Ouais. Question. Des concours de bédave, ouais. Ouais, ça, on verra. Il y avait une question hier, c'est, non? Il y en a plein. Il y a Judge de Babouin, il parie tout ce qu'il a. Que ton dentiste, il a gagné son diplôme grâce à un pari. Ah, non. c'est tout? Ah non, bah non, j'en ai plein. Hein. Il y a Shkoumoun de Shkoumoun, il demande si on peut parier que l'on perdra un pari et être content après de l'avoir gagné. Tu perds un pari et tu le récupères après, ben c'est faisable. Moi, je pense que forcément. C'est tout à fait faisable que tu le perdes et puis que tu le récupères derrière, oui. Et sinon, il y a Yankee qui dit que tu pourras sûrement arrêter de fumer, mais lui, il parie avec toi que tu n'auras jamais la volonté d'arrêter de boire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est moi, on me dit que tu peux sûrement arrêter de fumer, mais ça dépend d'où, en fait. C'est Max. Qu'aimeriez-vous parier pour gagner et être le meilleur? Donc, ouais. 35% sur la question. Donc, c'est 35% parient qu'ils pourront me pénétrer encore et encore. Ça, niet. Et 16% répondent, c'est que le début, d'accord. Alors là, ça, c'est rien que des types de chansons. Niet, hein. Donc, alors, j'en suis où moi là-dedans? J'ai répondu, j'ai répondu en même temps que vous, donc je vous ai répondu. Alors, faire un pari, peut-il se faire seul ou à plusieurs? Et on va s'écouter les nains connus, moustachus, avec Arrête de prendre mes fesses, pour un cendrier anal. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000. À tout de suite. Les débats, pas de radio et pas d'insultes. Le Fila. N'importe quoi. C'est pas grave. Non, mais c'est pas les débats de plus tard, c'est les débats de Gérard. Donc, rebonsoir à tous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Non, c'est le débat de l'année prochaine. L'internet www.fr où que Rigo vous y attend. Et voilà, ou irc.kewl.org. C'est à nouveau. Ouais. Ah bon, donc. Et on venait de s'écouter les nains connus, moustachus, avec Arrête de prendre mes fesses pour un cendrier anal. Et on récupère Gros Sidério. Bonjour. Rebonsoir, Roulette. Oui, tout à fait. Rebonsoir, j'ai pas de couilles. Rebonsoir. Et Quasimono, rebonsoir. Oui, bonsoir, Fildar. Non, c'est pas Fildar, c'est Gérard. Alors, tu restes tranquille parce que c'est pas les débats, Fildar, d'accord? Ouais, tranquille, pas de problème, bon quand même. Bon, alors, donc, la question, je vous la répète pas. Ah bon? Ah ben non, bah, vous l'avez très bien compris, maintenant, vous démerdez, moi, les questions, on les répète plus. Gérard, il y a Max le Belge qui te demande de pas t'énerver parce que c'était bien au 10, donc. Oh, il est relou. Non, mais même les questions. C'est pas la peine de t'énerver maintenant, quoi. Les questions, on les répète plus, c'est terminé. Ok, pas de problème. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parier entre amis? Voilà. Ouais. Eh ben, on va demander à Gros Sidério. Eh ben, je vais te répondre, Gérard. On peut parier entre groupes d'amis. Moi, ça m'est arrivé de parier, on était divisés en deux, quoi. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et en fait, on s'est parié les uns contre les autres. Mmh. Et voilà. Ça s'est terminé? Et c'est nous qu'on a gagné. Tous. D'accord. Roulette. Ouais, ben, écoute, moi, je pense que les paris entre amis, c'est pas bon. Parce que ça fait des histoires d'argent. Ouais. Et tu sais comment c'est, les histoires de thunes entre potes, ça finit toujours par foutre la merde, quoi. Ça fout la sale ambiance. Donc, moi, je dirais que j'évite le pari entre amis quand même. Mmh. Après, s'il s'agit d'arnaquer deux, trois trucs que je connais pas trop, ça y a pas de problème, mais avec mes potes, non. D'accord. J'ai pas de couilles. Ah bon? C'est vrai. Sérieux, GG? C'est pas une nouveauté. Hein. Je crois qu'il en avait qu'une. Roulette ou Quasimono, vous vous calmez, sinon je vous vire. D'accord? Mmh. Ok, alors j'ai pas de couilles, tu réponds? Oui, c'est vrai. Moi je parie avec mes amis. Moi j'aime bien ça. J'aime bien parce que si je gagne ou si je perds, eh ben s'ils veulent me rouler, je sais très bien où ils habitent, tout ça, et je peux récupérer mes affaires chez eux. Ah la chacale, celle-là. Je pense pas, à mon avis. Un vautour. Quasimono. Ouais, alors moi, donc avec des potes, il m'arrive souvent de faire des paris. Dont le dernier qu'on a fait, c'était le premier qui chiait sur le paillasson d'un gars qui habitait à Suresnes. Alors Quasimono, au revoir. Oh. Au revoir Quasimono. Embrasse Esmeralda. Voilà. Non, c'est limité aux boîtes aux lettres quand même. Ouais, ben Quasimono, au revoir. Au revoir, terminé pour lui. Donc, ben, comme ça, celui-là, il a même pas besoin de répondre à la question. Gérard, il y a Fesse de Babouin, il dit qu'on n'a pas parié, on n'a pas parlé des paris en euros. Non, parce que j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce qu'on n'existe pas encore. On a déjà fait des débats sur l'euro, donc je vais pas me prendre la tête. On n'a pas parlé de paris dans les débats sur l'euro. Non, mais, je viens de te dire que je mets pas l'euro en jeu. D'accord? Tu mets ton veto là-dessus ou pas, Gérard? Tu mets ton veto? Non. Non. La question c'était faire un pari, peut-il se faire à seul ou à plusieurs? Ben, en principe, c'est entre copains. Ouais. Plusieurs de préférence. Ouais. Parce que. Si tu peux plus s'opposer, c'est encore mieux. Mmh. Ouais, GG, c'est vrai que des fois tu te fais des paris tout seul avec toi-même, non? Ça t'arrive jamais? Qui? Comment je m'appelle? Roulette turque. Ouais. Tu sais, des fois tu te lances des petits défis à toi-même. Tu dis, je sais pas, moi, hop, la chaude, trois marches d'un coup et tout, machin. Toi, je suis sûr que tu te dis, je descends la bouteille nickel chrome d'un coup. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Non. Des défis, si. Si. Ce soir, je la remplis jusqu'à ce qu'elle déborde, par exemple. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et tu vois, si t'arrives à. Tu vois, tu te poses un défi à toi-même pour voir si tu peux dépasser tes limites. Ouais, c'est pas bête, ça. Genre, 4 d'un coup, tu vois, par exemple. Non, mais ça y est, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Tu t'en flottes, par exemple, tu vois, t'innoves, quoi, en fait. Des fois, tu paries que tu vas dormir moins de 12 heures et tu y arrives pas, ou des trucs comme ça. Voilà, ouais. Donc, alors, tu peux juste dormir sans cuver, par exemple, tu vois, je suis sûr que tu devrais te lancer plein de défis, comme ça. Ouais. Paris un jour que tu dors dedans. J'en connais tout à l'heure qui vont se calmer parce qu'ils vont gerber, ils vont faire comme Quasimono, d'accord, roulette turque. En parlant de Quasimino, justement, on l'a viré, donc on accueille Jackpot, 28 ans de Las Vegas. Bonsoir Jack. Bonsoir Gérard, bonsoir Jack. Tout le monde. C'est en France, hein, c'est en France. Ouais, pas français. En France, Las Vegas. C'est à Las Vegas. Las Vegas, c'est un petit patelin à côté de Brest. Ouais, je savais pas. Pas grand chose, toi. Ouais. Pour toi, la question. J'ai pas entendu, j'étais au standard, désolé. Ouais, mais ils peuvent. Entre amis. Entre potes. Je parie tout le temps entre amis. Je fais des paris sur plein de trucs. On parie souvent de l'argent. Mm-hmm. Et bon, à la fin, ça se termine souvent en baston. Mm-hmm. Parce que bon, l'argent et les potes, c'est pas bon. Ouais, tu vois, hein. Non, mais de toute manière, il y a un petit sondage, justement. Pensez-vous que le pari peut changer la vie? Donc il y a 12% des gens me demandent de l'argent pour répondre. Donc ça c'est là, souvent dans des trucs comme ça, c'est vrai que t'as des gens qui veulent jouer et qui veulent avoir des paris, qui veulent de l'argent pour jouer, donc ils viennent te voir pour avoir du fric pour jouer. Et avez-vous envie de parier? J'ai 100% des gens qui estiment que c'est personnel, gros curieux. Donc, je vois pas du tout le rapport avec les paris, mais c'est pas grave. Sixième question. À quel âge peut-on faire des paris? On va demander à Jackpot. Ouais, alors on peut faire des paris à n'importe quel âge. Alors, tu peux préciser? Alors, à partir de 10-12 ans, c'est possible, hein, dans la cour de récré, de faire des paris avec les amis, tout ça. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, pour aller au casino, c'est à partir de 18 ans, en fait. Voilà, pour avoir la majorité. Voilà, pour avoir la majorité, sinon d'accord. C'est pas possible. J'ai pas de couilles. Ouais, c'est vrai. Je voulais dire qu'on peut parier bien avant 10-12 ans, puisque, tu vois, avant que tu naisses ou que quelqu'un naisse, les parents, ils parient si c'est un garçon ou une fille. Et donc, on n'est pas encore né et il y a déjà un pari. Non, mais ça. Tu as conceptualisé là ce que je suis en train de te dire? Pour l'instant, j'ai très bien compris ce que tu me disais et je vais te dire une chose que ça revient à la question de à la question 5 que tu es en train de me répondre. Question 5. Ah bien. Parce qu'à quel âge peut-on faire à quel âge fait-on des paris? Hein, tu me réponds carrément, faire un pari, peut-il se faire seul ou à plusieurs? Donc tu es en train de me répondre pareil que la 5. Alors, je vais te dire une chose. J'ai pas compris, Gérard. Bon. Je te réexplique. Ouais, bah attends, tu vas réexpliquer ça à Pauline au standard, d'accord? Parce que... Attends, j'ai rien dit. Roulette turque. Ouais, bah écoute, on peut parier de très jeune à très vieux. Là, les auditeurs ont déjà parlé des enfants, c'est vrai qu'on peut parier très tôt, mais on peut parier aussi... Puis au revoir à elle. Puis au revoir complètement, parce que... Écoute l'auditeur, quand même. Non, tu lui dis au revoir. Attends, 5 minutes, roulette turque. Tu lui dis carrément au revoir, comme ça ira plus vite. Je vais pas me prendre la tête avec une nana qui va rien comprendre. Hein. Roulette turque. Bah, je peux répondre, j'avais écouté ce coup-ci. Hein. Ouais, non, mais c'est pas à toi que je m'adressais. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai bien remarqué. Ouais. Donc, je te disais, on peut parier très jeune, mais on peut parier très vieux aussi. Mmh. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de fréquenter les maisons de retraite. Non, mais sans préciser. Aussi, ils font des paris. Vas-y, que je te lance les dentiers plus loin. Vas-y, que je te fais un plus gros caca, tout ça. Attends. Mais dans ce cas-là, il y a aussi des paris sur le plus gros caca, puis sûr, tout ça. Bien sûr. Non, mais attends, ouais, ça, bien. Non. Non, mais ça, c'est des trucs qui sont c'est vieux, comme Hérold. Hein. Comme Hérold. Gros cigario. Non, sur l'IRC, on me dit que t'as oublié de parler du pari de la plus grosse couche de crasse sur la gueule. Bah lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Parce que moi, je lance un pari, celui qui va dépenser le plus d'argent sur l'IRC. Donc, on va se revoir. C'est pareil, c'est pas votre argent, c'est des paris. Moi, c'est gratos. Vas-y, mon pote. Top de la vanne. Gros cigario. Bah, en fait, je crois que tu peux commencer à parier à partir du moment où tu arrives à dire pierre, feuille, caillou, quoi. Comment ça? Tu connais pas ce jeu? Non. C'est boulette, feuille, fil. T'as rien compris. C'est pierre, feuille, caillou, tu vas arriver. Ah, ouais. Bah, c'est l'histoire, mais c'est vieux tout ça, ça. C'est quand t'étais gamin. Ouais, tu t'amuses à faire ça, tu mets ta main dans le dos avec ton collègue qui est en face, tu mets un ciseau, l'autre qui prend la paille et c'est toi qui gagne, c'est ça? Ouais. Bah ouais, mais c'est vieux tout ça. Attends, j'ai déjà connu ça, moi. Bah ouais. Mais à quel âge fait-on des paris? De manière, normalement, c'est pas avant la majorité ou sinon c'est dans la cour de récréation. C'est interdit avant? Bah bien sûr. Ah oui, bah oui, Manu. Ah bon? Ah mais il y a des banques, tu peux toujours aller dans un chipot, dans un casino clandestin. Ouais, non, mais ça, je pense pas. On a quelqu'un d'autre? Ouais, alors à la place de J'ai pas de couilles, on accueille Nabucodonosor, 35 ans de Lille. Quoi? Bonsoir. Appelle la Nabucodonosor. Salut. Bonsoir. Fréquence de Lille? 93.4. Oh, au lieu de te marrer là-bas, c'est quoi la fréquence de Lille? 93.4. Ouais. Ok, bah alors pour toi. De quoi? Bah la question. Comment je m'appelle? Oh oui. Ok. Bah attends, j'étais en rentaine. Bon, alors tu vas y retourner, tu vas aller voir ta copine de Lille qui est au standard. Allez hop. On passe à la suivante. Bon, Gérard, avant que t'entames ta question. Alors, question IRC. Ouais, il y a Obi-Wan de Babouin, il voulait juste saluer ses potes Z, Pierrot, Charlie et Fred. Parce qu'ils ont tous fait le pari qu'ils viendraient de savater à la sortie de la radio. Ah, mais pas de bonjour. Il n'y a pas de bonjour ce soir. Donc, pas de bonjour. Si tu viens un survêtement. Il y aura de la savate quand même. Sinon, j'ai oublié de saluer mon pote Max le Belge. Encore? Ah, bah, il est sur les deux côtés. Ah, il est partout, ouais. Il est partout en même temps. Donc, alors, 7e question. Que gagne-t-on lors d'un pari en été? Alors, on va demander à Gros Cigario. En été sur la plage? Que jackpot, tu t'écrases? Ouais, c'était. Bon, alors, je sens qu'il y en a... C'est pas moi, là. Je sens qu'il y en a deux qui vont gerber. Mais non, c'est pas moi, c'est l'autre, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là. Eh ben, jackpot, tu réponds, tiens. Allez. J'avais pas répondu. Ouais, non, mais attends. Attends, l'autre, elle a un nom, d'accord? Et c'est moi qui commande. Alors, jackpot, pour l'instant, tu vas répondre à la question et tu vas te taire. Ouais. Alors, bah ouais, les paris, ce qu'on gagne en été, bah, déjà, ça peut être la même chose qu'en hiver. Donc, c'est un peu bizarre comme question. Mais, comment ça? Bon. Donc, ouais, alors ce qu'on peut gagner en été, bah, c'est plein de trucs, des maillots de bain, des bouées, tout ça, des trucs comme ça, quoi. Et toujours de l'argent, bien sûr. Jackpot, tu te foutrais pas de ma gueule un peu? non, pas du tout, Gérard. Non, tu prendrais le train. Alors, donc, non, au revoir. Attends, je te dis au revoir. Ouais, hop. Au revoir, au revoir. Alors, d'ailleurs, à l'occasion, on accueille GD Grossan, 22 ans de Saint-Denis, à la place de Nabucodonosor. Festival. Salut, Victoute. J'appelle de Saint-Denis. Saint-Denis. Ouais. Donc, 101.9. Voilà. Fond qui flex. Donc, ben, pour toi, la question. Ah ouais, non, mais je suis désolée. Alors, que gagne... Ah oui, par rapport à l'été ou l'hiver. Voilà. Non, c'est que gagne-t-on lors d'un pari en été. En été. C'est vrai que c'est différent de l'hiver. On peut gagner, je sais pas, on peut parier des fruits. Franchement, je vois pas le rapport. T'as du monde derrière toi, là. Non, mais explique, Gérard. Non, ouais, c'est vrai, tu pourrais expliquer. Ouais, parce que... Alors, qu'est-ce que vous gagnez que gagne-t-on lors d'un pari en été? Par exemple, t'es sur la plage. Ouais. Que tu fais du volley ou du badminton. Ah, ok. Ah, bah oui. Et même en été, il y a des concours de boules, vous pouvez gagner des coupes. Ah, yes. Ah, ouais. D'accord. Ça y est, vous avez compris. Ouais, okay. Donc, roulette turque. Bah, des coupes. Des coupes et sport. Des coupes, ouais, par exemple, des coupes et sport. Des coupes de fruits. Des coupes de glace, des coupes de fruits. Des coupes de cheveux. Mmh. Des coupes de cheveux. C'est ça, ouais, c'est ça. Des coupes de champagne, effectivement. Ouais. Pour en trouver d'autres, là, je sais pas. Des coupes, coupe des vis. Ouais, coupe des vis, ouais. Au standard, s'il vous plaît, vous vous calmez, vous faites votre boulot correctement. Ouais. Parce que les 24 things sonnent, donc vous me prenez des auditeurs. Ouais, bah, mais d'ailleurs, je viens d'en prendre un, la place de Jackpot. Roulette turque. Allez, joue-moi deux balles. Ouais, donc à la place de Jackpot, on accueille Croupier, 25 ans, de Angoulême. Salut GG, bonsoir toute l'équipe. Bonjour, ça fait quand 457.9. Salut. Le croupion, je boufferais bien un petit croupion. Ouais, c'est pas drôle. Bon, alors là, vous allez me les calmer parce que sinon, c'est moi qui les calme. On est désolé, mais moi, j'ai rien calme. Ta fréquence Je l'ai déjà dit, 97.2. Donc, alors, pour toi, la question. Ouais, alors, bah, moi, en fait, en été, il m'arrive souvent de faire des concours. Mmh. Des concours au boule. Et puis, à la fin, on gagne des coupes. Souvent, ça nous arrive. D'ailleurs, l'année dernière, on a gagné la Coupe des Coupes. Attends, il t'écoute pas. Non. Si, je t'écoute. Bah voilà. L'année dernière, je vais te dire que j'ai bien écouté parce que l'année dernière, t'as dit que t'avais gagné la Coupe des Coupes. Ouais, Donc j'ai bien écouté ce qu'il disait. Ouais, Nuant. Ok, donc gros cigario pour toi. Tu l'as dit quoi, Gérard, on était au jeu au boule, donc on gagne des coupes. On joue au volet, donc on peut aussi gagner des coupes ou des ballons de volet. Mais tu fais aussi des grillades, des barbecues, donc tu peux gagner des steaks. Ouais, mais ça c'est des jeux une fois que c'est terminé, donc tu peux manger gratuitement. Ouais. Tu peux manger à l'œil aussi pendant les concours comme ça. Hein. Moi, j'ai gagné une bléno aussi l'été dernier quand même. De quoi? Une blénoragie quand même. De quoi? J'ai gagné une blénoragie, une chaude pisse l'été dernier quand même. Ça vaut cher ça. Ouais. Moi, je pense. Ah bah ouais, quand même. Hein. Garde-la. Hein. Ça se profile à prix d'or. Hein. Donc alors, moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, c'est vrai que j'ai gagné pas mal de t-shirts une année en jouant au boule. Et donc aussi, non? Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que les auditeurs m'avaient envoyé. Et Steve? Un Bob Ricard. Mais toi, t'as gagné quoi, toi? Rien du tout. Toi, t'es même pas capable de faire un standard, là. T'es vautré en train de faire des conneries sur des poteaux. Pourquoi tu t'énerves? C'est pas mal de gagner des slips, hein. C'est pas... Alors, donc, 9e... fera des propres, au moins. 9e question. Seriez-vous prêt à parier votre femme pour gagner? Oh, c'est clair. Alors, gros cigario. Moi, Gérard, je suis une fille, donc je n'ai pas de femme. Donc, je te parlerai de mon mari. Mmh. Mais enfin, je suis pas encore mariée, donc je te parlerai de mon copain. Bon, mais de toute manière, c'est encore un mec, donc tu ne parleras de personne. Non, c'est à ma droite. Pour l'instant, il y en a qui vont se calmer parce que sinon ils vont gerber. Alors donc, je t'écoute. Et donc, pour rien au monde, je parierai lui, quoi. T'imagines si je perds, t'imagines. Ah, bah, de manière. Un gros routier barbu et tout. Non, mais, c'est... Et puis perdre le capitaine Flamme, c'est chaud, hein. Il faut se dire une chose que la question, que la réponse que tu viens de me donner, c'est comme on avait parlé tout à l'heure, que perdez-vous le plus souvent lors d'un pari, hein. Donc, c'est à peu près pareil, la même question. Ouais, mais je t'avais pas répondu ça, moi. Mais pour rien au monde, je parierais mon copain, quoi. T'imagines? Ah bah dis donc, chapeau toi. Attends, alors. Il rentre à la maison, le cul tout dilaté, je fais quoi moi après? N'importe quoi. Ouais, Rigaud. Oui, il y a Totor sur l'IRC, il demande si les paris d'été sont plus chauds que les messes d'hiver. Ah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Paris, Metz. Paris Metz d'hiver. Ouais. Ah, d'ailleurs, il y a une sondage. Il y a un truc là, je comprends pas. Ouais. Donc, est-ce que de lui demander qu'il précise parce que j'arrive pas à comprendre là. Ok. Roulette turque. Ouais, ben écoute, moi, à ce sujet, j'échange ma main droite contre tout type de femelle de sexe féminin. Pas de problème. Donc voilà. Mmh. Je suis prêt à parier. Ça je suis prêt à parier. Ça fait combien? Non mais attendez parce que là c'est vrai j'ai oublié de faire le petit sondage là, sur les paris d'été que gagne-t-on lors d'un pari en été donc sur aimez-vous parier il y a 30% qui aiment ni les rouleaux de printemps voilà là pour confirmer donc je vois pas du tout le rapport mais c'est pas mais non Gérard ces 30% n'aiment pas ni les rouleaux de printemps ouais ben ça a rapport à quoi avec les trucs en été. Mais il y a un autre truc aussi sur les paris un peu plus loin, excuse-moi. Non, mais celui-là, je ne fais pas. Donc, roulette turque. Ouais, ben je t'ai déjà répondu. Ok, j'ai de gros seins. J'ai des gros seins. Ouais. Moi, ouais, il n'y a pas de problème parce que je trouve que mon mec, il est moche, il est con, il pue. Ah, change. Si je peux même perdre, ça m'arrangerait. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Bah, t'es vachement bien réveillé, toi, hein. Bah ouais, ça va. Ouais, gros, comment il s'appelle lui déjà? Parce que j'ai mal marqué moi. Croupier, non? Croupier. Ouais, bah moi alors là, c'est clair, je suis prêt à jouer ma femme sans aucun problème, parce qu'elle est devenue de plus en plus conne, je la supporte plus, elle gueule tous les jours, donc moi c'est clair que je la parie contre n'importe quoi, même une clope, hein, y a pas de problème. T'as raison mon pote. Ouais. Faut pas se laisser déborder. Ah, c'est clair. Hein, ouais, mais je pense que là, vous êtes un peu vache quand même. Attends, GG, y a pas moyen d'avoir une binouze fraîche quand tu regardes un match de foot. Bah ouais, faut pas déconner. Non, mais attends, faut se dire une chose que certaines nanas n'aiment pas le foot, c'est pas parce que. Elle peut amener la binouze bien fraîche. Sans regarder le match. Rien. Non, mais faut se dire une chose, c'est pas parce que là, pendant la Coupe du Monde, y avait plus de femmes qui regardaient les matchs à la télé que tout de suite, pourquoi on a plus rien. Comme pendant la Coupe du Monde, il y avait de la bière. Ah ouais, mais ça, c'est différent. Eh ouais, les filles, tu vas merde. Tu vas trouver ton gros cul, puis tu vas aller chercher ta bière. Bon, bah attends, quand même. Allez, elle dégage direct. J'ai le gros sang, au revoir. Non, putain, c'est pas moi. Si. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est l'autre, Gigi. C'est gros cigario, là. Ouais. Voilà, c'est la connasse. Ouais, bah la connasse, alors au revoir, grosse conne. Je vais d'amener une bière. Allez, on lui dit au revoir complètement, celle-là. Eh, GG, moi je parie que quand t'étais plus petit, tu t'es pris un coup de pied dans les couilles et maintenant elles se sont remontées dans le cou. C'est qui vient de dire ça? Alors, croupier, au revoir. Au revoir. Terminé pour très toi. Chaud, très chaud. Ça, c'est tellement vrai en plus. Alors là, vous voyez, vous débordez le vase. Ouais. Ça, c'est 1h30. Débordez le vase. Il est 1h30. Ça s'était bien passé. Là, vous foutez la merde sur la fin. Et là, je suis pas tellement content. Ah non, ça se passe bien, les GG. Alors donc, avez-vous envie de parier? Donc 97% se demandent si Paris c'est mieux que New York. Je préfère New York que Paris parce que c'est moins pollué. Et 100% estiment que ce personnel gros curieux. T'as déjà lu ça? Putain. Ouais. Non. Mais si, tout à l'heure, t'étais déjà curieux tout à l'heure. Non, bah c'est tout, donc voilà. Alors, dernière question. Avant la conclusion, donc, pariez-vous, oui, 1h30, va être la fin. Hein. Le temps passe tellement vite avec toi quand c'est bon comme ça. Bah ouais, mais là, c'est bien parce qu'on a fait toutes les questions, donc je voudrais que le deuxième, ça soit pareil. Ouais. D'ailleurs, GG, t'as viré gros cigario et à la place, on accueille Prout, 28 ans de Cherbourg. Aussi. Bonsoir Gérard. Bonsoir l'équipe. Salut. Bonsoir. Ta bonsoir, fréquence. La fréquence est le 107.3. Ok. Alors la question, comme tout le monde est là maintenant, je vais pouvoir la poser. Ouais. Donc pariez-vous, peut-il nuire à la santé? Pariez-vous, peut-il nuire à la santé? En bon français, ça donne. Est-ce que parier peut nuire à la santé? Ah, ok. Balèze, hein. Ok. Alors, Fildar. Attendez, les auditeurs. Non, Gérard, non. Là, c'est pas ton problème. Fildar, tu sors des studios parce que t'es en train de déconner avec les poteaux qui me sont adressés. Ah ouais, bien sûr. C'est pas tes poteaux pour mal. Ouais, mais c'est pas la peine de t'amuser. C'est pas la peine. Là, je travaille, ça va. Ouais, tu travailles, tu prends même pas un seul auditeur au standard. On en a d'avance. Non. Ça les intéresse pas, les gens. T'éteins ton micro, déjà, pour commencer. Go, éteins mon micro, c'est toi qui l'allume. Attends, Mais c'est pas marqué Bonix hein, sur son front pour toi. C'est parce qu'il y a la casquette, on voit pas. Et moi je rends service, je lui éteins son micro, vas-y continue ton débat. Bon, ouais, à la place de croupier, on accueille Keketo. Allô ? Manu, s'il te plaît, tu me laisses finir les gens quand... Bon, alors, de toute manière, au deuxième débat, tu as trop tapé de l'arrière. Viens plus pour ta gueule, okay, ça t'apprendra. Y a pas de problème. Donc, Keketos, 80... Allez, Apolline. Bah oui, 85 ans de Paris. Ok. Allô, bonjour, Gérard. Salut, Keketos. Salut, Keketos. Bonjour. Alors, pariez-vous, peux-tu nuire à la santé pour terminer le débat? On va demander à Prout-Prout. Eh bien, moi, je parie énormément. Et j'ai fait la connerie de parier un de mes poumons. Ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de mal à respirer. Et vu que je fume comme un pompier, je ne donne pas grand espérance de vie. Quoi. Et j'en profite à fond, je t'appelle, je m'éclate avec les jeunes. Parce que bon, je sens que la fin approche. Et c'est pas marrant. Non, non, mais t'inquiète pas, ceux qui sont en train de s'amuser à faire des conneries, là, il y en a un qui est en train de s'amuser. Et t'as pas peur, Gérard? Non, mais il y en a un qui s'amuse à dessiner sur des photos au lieu de prendre des gens. Roulette turque. Ouais, bah écoute, Paris est-il dangereux pour la santé? Ouais, ça use les nerfs hein, quand même. Peut-il nuire à la santé? Pareil. Non. Pas déconner quand même. Si, ça cause du stress. Moi, quand je vais aux courses, par exemple, que je vois des lévriers, tu sais, des courses de chiens, là, les lévriers qui se courent après, je suis stressé parce que j'ai parié sur le dos, j'ai fait le 15 carrés. C'est vite réglé. Bah ouais. Keketos. Oui, c'est vrai que c'est très dangereux pour la santé, parce que c'est très dangereux. J'ai parié. Ok. Donc j'ai parié une jambe quand j'étais plus jeune et maintenant je suis unijambiste, voilà. Donc c'est dangereux pour la santé, c'est sûr. Celui ou celle qui s'amuse à rigoler quand les auditeurs répondent, on permet leur gueule. Ça s'appelle de la vengeance. Un quand même. Et j'ai de gros seins pour terminer. Je vais répondre exactement à ta question. Pariez-moi, je pense que ça nuit à la santé. Ouais. Pourquoi? Parce que... Voilà. Bon. Alors... Ta conclusion, Gégé, ouais, la tienne, on veut la tienne. Déjà. Elle veut la tienne. Hein, J'en connais tout à l'heure qui vont morfler. Vas-y Gérard, à toi. Donc alors, moi pariez-vous petit mur à la santé? Oui, parce que c'est quand même du stress comme roulette turque à vie. Et donc voilà. C'est quoi cette conclusion? Non mais c'est pas la conclusion maintenant, on va demander... C'est une réponse, je veux dire. C'est une réponse comme les autres, c'est tout. Donc pour la conclusion du débat, on va demander à Prout-Prout. Eh bien Gérard, c'était un très bon débat. Je sais que tu as très bien animé, c'était très calme, mais c'était très agréable. Attends, 5 minutes. J'ai de gros seins, ta conclusion. Bah, t'as tout en culé, connard, t'es un con. Laisse-moi la rentaine, celle-là. Garde-la en rentaine. Qu'elle raccroche pas. Il faut pas qu'elle raccroche. Gérard, il est d'accord. Il va se la faire. Prout-prout. Oui, Gérard, donc je te disais, c'était un très bon débat, patati patata, que c'était très bien. Et puis je voulais dire en plus qu'en ce moment, j'ai une petite diarrhée et quand je regarde au fond de ma cuvette, ça me fait penser à toi. T'as raison, dis bien de conneries aussi, toi. Voilà, je ne t'aime pas, Gérard. Ah, bah, moi non plus, alors au revoir. Au revoir, hein, Gérard. Roulette turque. Ouais, bah écoute, moi je t'aime, je t'adore. Hein. Tu me fais bien mouiller la scarpe quand même. Et je voulais te dire, les paris, c'était bien, non? Franchement, moi je trouve que c'était une bonne idée. Ouais. C'est 100% d'actualité et moi je parie avec n'importe qui que le jour de ta mort tu seras con et moche. Il y a quelqu'un qui veut relever le défi, tu peux parier à 50 contre 1, tu prends n'importe qui. Moi je te prends aussi. Keketos. Ouais, alors ton débat c'était mortel, Gérard, t'assures bien. Bon, les paris, il faut pas trop en faire parce que moi le dernier pari que j'ai fait, c'était de monter en scooter sur un casque et je me suis pris la bande de 600 balles. De quoi? Le dernier pari que j'ai fait, c'est... Mais faut être con. Faut être con pour faire. Allez. Hop là. C'est bon, il est parti, c'est un con. Vas-y. Bah, les autres fermés, non? Non, c'est un naze. Non, mais il y en a plus d'autres. Ah bah c'est fini, alors ta conclusion. Donc ma conclusion de ma conclusion de l'IRC quand même en priorité. Vu qu'on est quand même monté à 7837, voilà, c'est quand même pas mal bravo, du tout. Bravo, bravo. Bah ouais, bravo hein. Alors il y a Rip de Babouin qui dit à Perforas de Babouin, enfin vice versa, qu'il a pas le droit de parier dans l'ensemble de son école. Mais si c'est Aurélie, c'est bon. Parce que c'est interdit par le règlement. Bah ça, de toute manière, parier dans, dans les écoles, si tu ne te fais pas piquer par, par le surveillant, tu peux, hein, je suis désolé. Il y a, Ice Whistiti qui dit que en fait... Alors attends, parce que je l'ai paumé. Il dit qu'il paraît que ton kiss, c'est un molar que t'as mal ravalé lors d'un pari de crachat. Oh. N'importe quoi, ça. Ouais. Alors attends, je vais t'en trouver d'autres, mais des mieux quand même. Parce que sur Minitel, ils disent que Rigo et Fildar, ils se mettent. Quoi, ils se mettent quoi? Bah justement, j'aimerais savoir. N'importe quoi, toi. Voilà. Et il y a Yankee qui dit qu'il parie que le deuxième débat sera toujours un débat à chier animé par le même analphabète avec des questions toujours aussi bidons. Ouais, ben, s'ils sont pas contents, ils restent, ils éteignent leur, leur truc et ils me font pas chier. Et sinon, tout le monde m'a fait remarquer que t'as parlé que de Paris alors que t'aurais pu parler de Marseille, Lyon et d'autres villes, quoi. Non, mais attends, les Paris, c'est pas la capitale qu'on a pas, que je parlais. C'est des paris que tu fais dans des casinos. C'est pas du tout pareil avec la capitale. Parce que Paris, ça prend des S. Donc ça a rien à voir avec Paris la capitale et tu l'écris ça. Tu l'écris comment Paris la capitale? P-A-R-I-S. Et là c'est pareil parce qu'il y a plusieurs Paris. Donc c'est tout. Donc c'est pareil. Ben s'ils veulent, ouais. Donc pour moi conclusion, ben dommage que ça commence à foirer vers le milieu. Parce que sinon c'était pas mal.